Salut à toutes et à tous, bienvenue pour Vidéotop. Aujourd'hui, le retour d'un super héros. Hellboy, l'agent le plus coriace du bureau de défense et recherche paranormale, est de retour pour une nouvelle mission secrète. Une terrible menace plane sur notre univers depuis que Nuada, prince de l'invisible, a brisé le pacte qui liait l'humanité au fils de la Terre. Et maintenant, passons à l'objet suivant. La couronne royale de Besmora, vestige d'une culture depuis longtemps éteinte. Éteinte ? Loin de là. Tout à fait vivante. Et je viens ici revendiquer ce qui m'appartient. En notre monde est menacé. Je suis revenu livrer bataille et reconquérir notre terre. Par des forces qui dépassent notre entendement, notre gouvernement s'adresse à une organisation d'élite, top secrète. Une promotion. Il y avait plus de 70 invités. Il n'y a aucun survivant. Même topo ici, babe. Ne m'appelle pas babe. Abe, j'ai dit. Abe. Rouge, nous avons de la compagnie. J'ai un suspect. Le sceau royal. Je suis la princesse Nuala. Mon père est mort pour respecter la trêve entre nos mondes. J'en appelle à l'aide de tous les enfants de la Terre. Les bons. Les mauvais. Hellboy 2, les Légions d'or maudites, un film de Guillermo del Toro, un DVD Universal.